Chérie, dis-moi qui j'en fais douce, comment ça? Comment ça? Comment ça? Lève-moi et moi qu'on aimerait, mais ça. Mais ça. DPM, c'est comme ça nous fait.